make I love you. If you go there with me on the low, say you go wine for me, buddy go. Oh yeah, there my side, let me go. I say, chicky, make I love you. If you go there with me on the low, say you go wine for me, buddy go. Oh yeah, there my side, let me go. Take me. Ma vie n'est plus peur, je suis devenu l'avocat. Ma propre banque. Ma vie n'est plus peur, mon cœur sait dire je t'aime en toutes les langues. Et si j'ai souffert en vous, bébé, je l'ai fait pour nous. I keep loving you, eh. Bébé, j'ai misé sur nous. Bah ouais, bébé, j'ai misé sur nous. Bah ouais, bébé, j'ai misé sur nous. Crush on you, baby. Ah, yeah. Me, I wanna touch on you, baby. Promis, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ma vie, c'est pour toi que je l'ai préparé. Promis, il n'y a rien que tu ne peux demander. Promis, laisse-moi le signer sur un papier. L'objectif, c'est plus que qu'il est. Vivre sans même savoir l'heure qu'il est. Mais avant d'arriver jusqu'au bout, on marchera sur du verre filé. Ensemble on finira cette course. Laisse-moi devenir ton second souffle. J'ai appris à encaisser les coups, baby. Ma vie n'est plus peur, je suis devenu la banque. Ma propre banque. Ma vie n'est plus peur, mon cœur sait dire je t'aime en toutes les langues. Et si j'ai souffert en vous, bébé, je l'ai fait pour nous. On you, baby. Ah, yeah. Take me. Me, I wanna touch on you. Crazy. C'est la vie. Trust me, trust me. Need you. Touch me. Yeah, too naughty. Caress me. Call me. We can be lovers. More than God. $80. Let me spend it. Oh, yeah. Me, I know be gentleman. Me, I just a big bad boy from Niger. No go kill him, man. Girl, I wanna give you all you desire. Send me with your brand. I go give you money while you call me dada. Baby, show me dance. Oh, on the dance floor, I say you be dancer. Ma vie n'est plus peur, je suis devenu la banque. Je suis ma propre banque. Ma vie n'est plus peur, mon cœur sait dire je t'aime en toutes les langues. Et si j'ai souffert en vous, bébé, je l'ai fait pour nous. On you, baby. Ah, yeah. Take me. Me, I wanna touch on you, baby. You don't got the word.